بسم الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence donc aujourd'hui le cours numéro 81 dans l'explication du livre de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah رحمه الله الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان avec les commentaires du Cheikh Salih al-Fawzan حفظه الله تعالى. Donc le cheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah, il explique maintenant ou il cite maintenant le verset 48 dans sourate Al-Anfal, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: wa idh zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. Donc ce verset 48 dans sourate Al-Anfal, c'est un autre verset qui nous montre l'attitude du shaitan et comment il est envers les êtres humains et comment il trahit les êtres humains et il trahit ceux qu'il prétend servir ou ceux dont il prétend être l'allié au jour de la résurrection et même dans cette vie d'ici-bas. Et Allah subhanahu wa ta'ala justement il dit: et quand le diable leur eut embelli leurs actions et dit: nul parmi les humains ne peut vous dominer aujourd'hui et je suis votre soutien, mais lorsque les deux groupes furent en vue l'un de l'autre, il tourna les talons et il dit: je vous désavoue, je vois ce que vous ne voyez pas, je crains Allah et Allah est dur en punition. Donc ça c'est pour montrer comment il est lâche et comment il est traître. Il promet son soutien, il promet d'être avec ceux qui sont avec lui, puis lorsqu'il voit la réalité, lorsqu'il voit la menace, il les abandonne. Et donc il dit même qu'il craint Allah, imaginez. Donc ça c'est une attitude de lâcheté. Et le cheikh dit: وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَهَذَا مَوْقِفٌ مِنْ مَوَاقِفِ الشَّيْطَانِ مَعَ بَنِي آدَمَ وَهُوَ مَوْقِفُهُ مَعَ الْكُفَّارِ وَالْمُشْرِكِينَ يَوْمَ بَدْرٍ فَلَمَّا ظَهَرَ لَهُمْ فِي صُورَةِ سَيِّدٍ مِنْ سَادَاتِ الْعَرَبِ وَقَالَ إِنِّي جَارٌ لَكُمْ وَمِنْ عَادَاتِ الْعَرَبِ الْجِوَارُ الجوار فهم يستجيرون بالأقوياء وبالرؤساء وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم يعني لا تخافوا فأوردهم وعزمهم على القتال وغرر بهم على القتال وقال لا غالب لكم اليوم وهذا غرور والعياذ بالله وإني جار لكم يعني ما أحد يصل إليكم فلما التحم القتال والتقى الصفان تراءى الجمعان يعني جمع المسلمين وجمع الكفار يعني هرب الشيطان وتركهم وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص يعني أي رجع على عقبيه وهو يقول إني جار لكم نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم ولما ورطهم رجع عنهم وقال إني بريء منكم يعني السبب إني أرى ما لا ترون وماذا يرى؟ رأى الملائكة مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والشيطان لا تجتمع مع الملائكة أبدا فلما رأى الملائكة هرب إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله الخوف الخوف يعني طوا يأتيه إني أخاف الله والله شديد العقاب هذا موقف له في الدنيا وذكر الله موقفه منهم في الآخرة هذا موقف الشيطان من أوليائه في الدنيا في وقعة بدر وموقفه منهم في الآخرة كما في الآية. Donc le cheikh il explique que lorsque le shaitan leur a embelli leurs actions, ça c'est une des positions parmi les situations et les exemples du comportement du shaitan avec les êtres humains. Et on voit sa position ici avec les kuffars et avec les mushrikines le jour de la bataille de Badr. Lorsque il s'est présenté à eux sous l'apparence d'un parmi les chefs des Arabes. Et il leur a dit, je suis votre protecteur. Hein? Et parmi les habitudes des Arabes, c'est qu'ils ont besoin, ils cherchent toujours un protecteur, quelqu'un qui va les protéger, parce qu'ils cherchent toujours la protection des forts et des puissants. Et il dit, le shaitan leur a embelli leurs actions. Hein? Lorsque le shaitan leur a embelli leurs actions, et il leur a dit, personne n'aura le dessus sur vous aujourd'hui. Hein, parmi les gens n'aura le dessus sur vous aujourd'hui. Et je suis votre soutien. Je suis votre protecteur. C'est-à-dire, n'ayez crainte. N'ayez pas peur. Donc, il leur promet qu'il va les supporter et il les incite au combat. Hein, et il les trompe, à rentrer dans le combat. Et il leur dit, personne ne va avoir le dessus sur vous aujourd'hui. Tout ça c'est des tromperies, tout ça c'est des fausses promesses. Wal'iyadu billah. Et il dit, et je suis votre soutien, votre protecteur. Personne va vous atteindre. Et donc, lorsque le combat est commencé et que les deux rangs se sont fait face, et que les deux groupes se sont placés les uns à la vue de l'autre, face à l'autre, le groupe des musulmans en face des kuffars, eh bien le shaitan s'est enfui. Il les a abandonnés. Et il dit dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, donc que le shaitan leur a embelli leurs actions, et il leur a dit, personne n'aura le dessus sur vous aujourd'hui. Hein? Et ensuite, lorsque Ya'ali, il a vu les deux groupes se mettent l'un face à l'autre, il est retourné sur ses talons, et il a dit, yani, je vous désavoue, c'est-à-dire je me désavoue de ce que vous faites et je vous abandonne, je vous laisse, je n'ai rien à voir avec vous, donc après les avoir fait entrer dans le combat et après les avoir incités et encouragés, eh bien, le voilà qu'il les abandonne et qu'il les laisse tomber. Et il leur dit, je vous désavoue. Et la raison de ça, c'est quoi? C'est parce qu'il dit, je vois ce que vous ne voyez pas. Et qu'est-ce qu'il a vu? Le cheikh, il dit, il a vu les anges avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons. Et le cheikh, il dit, et les anges ne peuvent pas se réunir, en présence des, c'est-à-dire, les shayatines ne peuvent pas être réunis en présence des gens, des anges. Les diables ne peuvent pas supporter et rester en présence des anges. C'est pas possible pour eux de rester en présence des anges. Alors, quand il a vu les anges, il s'est enfui. Il a dit, je vois ce que vous ne voyez pas. Et donc il a eu peur, Hein, la peur lui est venue et il est parti. Il a pris la fuite. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Et il a dit, yani, moi je crains Allah. Et Allah est dur en châtiment. Donc ça c'est une des situations et un exemple parmi les positions du shaitan avec ses alliés dans la dunya lors de la bataille de Badr. Et on voit aussi sa position vis-à-vis d'eux dans l'au-delà et comment il va agir avec eux dans l'au-delà. Le cheikh il dit ensuite وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ أَنَّهُ رَأَى جِبْرِيلَ يَزَعُ الْمَلَائِكَةَ وَالشَّيَاطِينُ إِذَا رَأَتِ الْمَلَائِكَةَ إِذَا رَأَتْ مَلِكَةَ اللَّهِ إذا رأت ملكة الله التي يؤيد بها عباده هربت منهم والشياطين إذا رأت ملكة الله التي يؤيد بها عباده هربت منهم. Donc il dit le cheikh qu'il a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam un hadith authentique qui dit, et lorsque Jibril yani il dit que le shaitan, il a vu Jibril qui organisait les anges, hein. Il a vu Jibril en train de disperser, ou pas disperser, mais, hein, bien placer les anges et les mettre en rang et les organiser, hein. Donc, c'est rapporté dans Al-Muwatta, selon Talha ibn Ubaidillah. Et que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que ce que le shaitan a vu ce jour-là, hein, c'est les anges, hein, il a mentionné ça en détail. وَمَا رَأَى يَوْمَ بَدْرٍ قِيلَ وَمَا رَأَى يَوْمَ بَدْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِمَّا أَنَّهُ قَدْ رَأَى جِبْرِيلَ يَزَعُ الْمَلَائِكَةَ. Il a vu Jibril yani qui place et qui organise les anges en rang pour le combat. Donc lorsqu'il a vu ça, hein, il a vu les anges d'Allah qui viennent supporter le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors lorsqu'il a vu ça, il s'est enfui des anges. Et le cheikh Al-Fawzan, il explique ça en disant inni ara ma la taruna inni akhafu Allah والله شديد العقاب تفسير هذه الآية أنه رأى جبريل يزع الملائكة يعني يسوقهم يسوق الملائكة إلى مشاركة الصحابة في القتال الشياطين إذا رأت الملائكة عندكم في بعض النسخ التي تؤيد بها بالتاء وهذا غلط التي يؤيد بها عباده هرب لأنه ما يجتمع مع الملائكة. Donc c'est ça. Ça c'est l'explication du verset. Il dit je vois ce que vous ne voyez pas. Il explique que comme c'est mentionné dans le hadith, il a vu Jibril qui organisait les anges, qui les guidait pour participer au combat avec les sahaba. Et les anges lorsqu'ils voient les diables lorsqu'ils voient les anges d'Allah, hein, qui viennent pour supporter les croyants, eh bien, ils fuient, hein, parce qu'ils ne peuvent pas affronter, ils ne peuvent pas rester en présence des anges. Ensuite, le Cheikh il dit Wallahu yu'ayyidu 'ibadahu al-mu'minin bil mala'ika. Qala Allah ta'ala wa idh yuhi rabbuka ila al-mala'ikati in anni ma'akum fathabbitu فَثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا. Donc ici le cheikh explique, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il supporte ses serviteurs croyants par les anges, il leur donne son support par ses anges. Et il mentionne le verset 12 dans sourate Al-Anfal à ce sujet là et lorsque ton Seigneur inspire aux anges, hein, ou révèle aux anges je suis avec vous, alors raffermissez ceux qui ont cru, hein, verset 12 dans sourate Al-Anfal. Et le cheikh à ce sujet là il rapporte ou bien plutôt il commente cheikh Al-Fawzan et il dit هذا في وقعة بدر إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم يعني معية نصرة وتأييد فثبتوا الذين آمنوا يعني فالملائكة تنزل لتثبيت المؤمنين وتأييدهم أنهم قاتلوا وتأييدهم لا أنها تقاتل يعني فالملائكة تنزل لتثبيت المؤمنين وتأييدهم لا أنها تقاتل لكنها تؤيد وتساعد المؤمنين على أعدائهم. روي أنهم قاتلوا في بدر مع الصحابة رضي الله عنهم ولكن الغالب أنهم ينزلون لتقوية المسلمين وتطمين المسلمين وإنزال السكينة عليهم وطرد الشياطين عنهم. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم الملائكة الذين نزلوا إلى بدر سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. الله عز وجل ألقى في قلوب المؤمنين الثبات وكانوا قليلين وألقى في قلوب الكفار الرعب وكانوا مثلي المؤمنين في العدد والعدة ولكن ما نفعتهم قوتهم وأنزل الله في قلوبهم الرعب وأنزل في قلوب المؤمنين القوة والشجاعة والثبات لأن معهم الملائكة حتى نصرهم الله في بدر. Donc le cheikh il explique que dans la bataille de Badr, Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé donc à propos de ça le verset 12 dans lequel il dit et lorsque ton Seigneur a révélé aux anges je suis avec vous et c'est-à-dire qu'il est avec eux dans le sens qu'il les supporte et qu'il leur donne son secours et son aide. Et il dit donc, il dit aux anges, raffermissez ceux qui ont cru. Donc les anges descendent pour raffermir les croyants et pour les soutenir, non pas pour combattre, mais uniquement pour les soutenir et pour les aider contre leurs ennemis. Et donc il y a certaines narrations qui mentionnent que au jour la bataille de Badr, ils ont combattu aussi avec les Sahaba, radiyallahu anhum. Et il dit, mais en général, c'est qu'ils descendent pour renforcer les musulmans et pour les calmer, pour leur apporter de la tranquillité et pour faire descendre sur eux la sérénité et pour chasser d'eux les diables et les shayatines. Et il dit, et lorsque ton Seigneur a révélé aux anges, je suis avec vous. Donc les anges qui sont descendus pendant la bataille de Badr, c'est eux qui ont été ordonnés par Allah de venir pour supporter les croyants. Et il dit, سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبِ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, je vais jeter l'effroi dans le cœur des mécréants. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il jette dans le cœur des croyants la fermeté. Il jette l'effroi dans le cœur des kuffars, dans le cœur des mécréants, et dans le cœur des croyants, il jette la fermeté, et il met la fermeté. Et malgré qu'ils étaient très peu nombreux, et que les kuffars étaient peut-être deux fois plus nombreux que eux, ou plus encore, et il a jeté dans leur cœur, dans le cœur des kuffars, l'effroi. Et ils étaient donc, comme on sait, plus nombreux. Est mieux armé que les musulmans, peut-être deux fois plus que les musulmans, mais leur force ne leur a servi à rien. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre dans leur cœur, le cœur des kuffars, de la peur et de la crainte et de l'effroi. Et il a fait descendre dans le cœur des croyants de la force, du courage et de la fermeté, parce que les anges étaient avec eux. Jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur donne la victoire et leur donne son secours. Puis il mentionne ensuite le verset 9 dans sourate Al-Ahzab. Il dit قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. Donc il mentionne un autre exemple lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 9: ô vous qui avez cru, souvenez-vous de la grâce d'Allah sur vous lorsque sont venus vers vous des armées et Allah a lancé contre eux des vents forts et des armées que vous ne voyez pas. Donc le Cheikh explique, Cheikh Al-Fawzan, il explique ce verset, il dit هذا في غزوة الأحزاب التي تسمى غزوة الخندق. Hein, تسمى غزوة الخندق لأن النبي صلى الله عليه وسلم حفر حول المدينة خندقا يمنع الكفار من دخولها وتسمى غزوة الأحزاب لأن المشركين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءوا يريدون القضاء عليه وعلى أصحابه اذكروا نعمة الله عليكم يعني النصر إذ جاءتكم جنود يعني جنود الكفار ليسوا قريش فقط معهم قبائل العرب الكثيرة ولذلك سموا بالأحزاب إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا فلما طال الحصار على المسلمين أنزل الله عليهم في ليلة من الليالي ريحا شديدا أو شديدة قلعت خيامهم وحصبتهم بالحصباء ووقع الرعب في قلوبهم فانهزموا ونزلت الملائكة أيضا مع الريح فألقت الرعب في قلوب الكفار فانهزموا مسرعين ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من هم الذين ظاهروهم وأعانوهم يعني يهود بني قريظة خانوا الرسول صلى الله عليه وسلم ونقضوا العهد لأنهم عاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم على أنه إذا غزيت المدينة أن يقاتلوا معه فلما جاءت الأحزاب نقضوا العهد وانضموا إلى الأحزاب إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم يعني غزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد انصراف المشركين وهزيمتهم وحاصرهم حتى نزلوا من حصونهم وحكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه لأنهم طلبوا تحكيمه فحكم أن تقتل مقاتلهم وأن تسبى نساؤهم وأولادهم وأموالهم نتيجة لنقضهم العهد. Donc on va traduire cette partie-là. Il dit le cheikh que dans la bataille de ce verset a été révélé dans la bataille de Al-Ahzab, Sourate Al-Ahzab, le verset 9. Et cette sourate est révélée par rapport à cette bataille. Et on appelle cette bataille aussi la bataille de Al-Khandaq. Et Al-Khandaq, c'est quoi? C'est la tranchée. Parce que pendant cette bataille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait creuser une tranchée par les compagnons pour empêcher les mushrikines de pénétrer dans la ville de Médine. Et donc, on l'appelle cette bataille la bataille de Al-Khandaq. Et la raison pourquoi on l'appelle Al-Ahzab, c'est parce que Al-Ahzab, ça veut dire les partis. Le pluriel du mot Hizb. Hizb, Ahzab. Et le pluriel du mot Hizb, pourquoi on l'appelle Al-Ahzab? Parce que plusieurs groupes des mushrikins se sont réunis ensemble contre le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et les musulmans. Donc c'était pas uniquement, c'était pas seulement les kuffars de Quraysh qui se sont rassemblés pour combattre, mais beaucoup d'autres tribus et beaucoup d'autres groupes, et même parmi les non-arabes, parmi les juifs aussi. Et le cheikh il dit c'est pour ça qu'on a appelé cette bataille là la bataille des coalisés ou Al-Ahzab, parce qu'il y a plusieurs groupes, et donc c'est une coalition de mushrikin et de kuffar. Ils se sont tous rassemblés, ces différents groupes de différentes croyances, de différentes religions, de différentes tendances, de différentes origines, de différentes cultures, mais ils se sont tous mis d'accord pour combattre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient un très grand nombre et ils ont encerclé la ville de Médine. Oui, c'était les tribus réunies, toutes les différentes tribus, différents groupes, tous ensemble réunis contre les sahaba. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et souvenez-vous de la grâce d'Allah sur vous, hein, c'est-à-dire de cette victoire, lorsque les armées sont venues, hein, les armées des kuffars. Et il dit, c'était pas seulement Quraysh, ils avaient avec eux beaucoup d'autres tribus arabes. Et ils les ont appelés à cause de ça, Al-Ahzab. Lorsqu'ils sont venus, et que Allah a envoyé contre eux des vents extrêmement forts, parce qu'ils ont assiégé les musulmans pendant une longue durée de temps, plusieurs nuits, plusieurs jours, et les vents ont commencé à souffler extrêmement fort, leurs tentes ont commencé à s'arracher et à s'envoler, et les vents ont amené sur eux des pierres, et de la poussière, et des roches, des choses qui commençaient à les frapper. Et la crainte et la peur est rentrée dans leur cœur, et les anges sont descendus aussi en même temps avec ce vent fort. Et donc la peur et l'effroi est rentré dans le cœur des kuffars, et ils ont donc été vaincus de cette manière. Hein? Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a vaincus. Et il n'y a même pas eu de combat. Il n'y a même pas eu de combat. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit justement dans cette sourate, à propos de cette bataille, le verset 25 et 26 dans sourate Al-Ahzab. On va lire ensemble ces versets. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: et Allah a envoyé avec leur rage les infidèles, les mécréants, sans qu'ils n'aient obtenu aucun bien. Hein, ils n'ont rien. Lam yanalu khayra. Ils n'ont rien reçu de bien. Et Allah a épargné aux croyants le combat. Wa kafallahu al-mu'minin al-qital. Et Allah est fort et puissant. Et il a fait descendre de leur forteresse ceux des gens du livre qui les avaient soutenus. Hein? Parmi les gens du livre qui les avaient soutenus. Et le cheikh, il dit, qui sont ceux qui les avaient soutenus? Hein? Il dit, c'est les juifs de la tribu de Bani Qurayza. Hein? La tribu de Qurayza qui, eux, avaient une entente de paix avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ils avaient signé une entente avec le messager d'Allah que si jamais des gens venaient attaquer Médine, ils devaient la défendre avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et les sahaba. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait fait cette entente de paix avec les juifs, de dire que si jamais les musulmans de Médine étaient attaqués, ils devaient défendre Médine avec les musulmans. Hein? Et qu'est-ce qui est arrivé? Lorsque les juifs ont vu les coalisés venir, les arabes et les mushrikines, eh bien, ils se sont mis avec, hein, les ahzab, avec les coalisés. Et ils ont trahi et brisé leur entente de paix avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Et donc, ils se sont ralliés aux ennemis. Hein? Aux ennemis des musulmans. Et donc, c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit justement à propos de ça dans le verset 10, yani iz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum. Il dit lorsqu'ils vinrent d'en haut et d'en bas, hein, de toutes parts, parce que les juifs étaient de l'autre côté de Médine et les mushrikines étaient venus de l'autre direction vers Uhud, hein, par Uhud, ou bien plutôt par la direction, en tout cas d'une autre direction, ils sont venus d'une direction, et les juifs, eux, étaient de l'autre direction, parce qu'ils étaient de l'autre côté, et ils se sont tous réunis pour combattre les musulmans. Allah al-musta'an. Et donc le cheikh, il dit, et yani le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les a combattus, hein, et après que les mouchriquins ont été battus et qu'ils sont retournés chez eux, hein, après les avoir assiégés, hein, pendant une longue durée de temps, ils sont tous partis. Et les juifs, eux, ils peuvent pas s'en aller parce qu'ils habitent là-bas. Hein, mais ils ont été abandonnés par les autres arabes. Alors qu'est-ce qui est arrivé? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé, hein, et il les a encerclés dans leur parce que les juifs habitaient dans des forteresses. Ils avaient des villes fortifiées. Et là où ils habitaient, ils étaient entourés donc d'une muraille. Et les musulmans les ont assiégés pendant un bon bout de temps. Et finalement, ils ont accepté de se rendre. Hein, ils ont accepté de se rendre. selon les conditions que Sa'd ibn Mu'adh allait donner. Parce qu'ils ont dit, on accepte de se rendre à condition que ce soit Sa'd ibn Mu'adh qui juge. Et donc, Sa'd ibn Mu'adh a jugé. Et qu'est-ce qu'il a jugé? Il a jugé que leurs combattants soient tués, que leurs femmes soient prisonnières, ainsi que leurs enfants et leurs biens deviendront la propriété des musulmans. Et la raison de ça, c'est parce qu'ils ont brisé leur entente, ils ont trahi leur entente. Et ça, c'est la rétribution des traîtres et des gens qui trahissent leur entente, surtout en temps de guerre. Hein? Alors, Sa'd ibn Mu'adh, il a fait ce jugement-là, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tu as jugé par le jugement d'Allah. Le jugement que tu as donné, ça c'était le jugement d'Allah. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset, wa anzala alladhina dhaharuhum min ahli al-kitab min sayasihim, yani al-yahud. Yani sayasihim, yani qusurihim wa husunihim. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait descendre ceux qui avaient aidé les mushrikines contre eux, contre les musulmans, de leur forteresse et de leur palais et de leur forteresse. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبِ, hein, et il a jeté dans leur cœur l'effroi. فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا, un groupe d'entre vous tuez et l'autre groupe vous les prenez prisonniers. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَأُوهَا, et Allah subhanahu wa ta'ala vous a fait, il a jeté l'effroi dans leur cœur, hein, et après il dit, et il vous a fait hériter de leurs terres, de leurs maisons et de leurs biens, et des terres que vous n'avez pas encore, hein, des terres sur lesquelles vous n'avez pas encore marché. Ça c'est les versets 26 et 27 dans sourate Al-Ahzab. Il dit wa hiya Khaybar, c'est la ville de Khaybar par la suite que les musulmans ont se sont appropriés par la suite et qui appartenaient aux juifs, hein, parce que quand ils ont trahi leur engagement, un autre groupe d'entre eux avait été exilé à Khaybar. Puis quand ils ont encore trahi les musulmans encore, eh bien ils ont perdu Khaybar aussi. Et donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui leur a fait hériter de ces régions-là. Il dit فَأَوْرَثَهُمُ اللَّهُ إِيَّاهَا بَعْدَ ذَلِكَ. فالحاصل أن هذا نتيجة الصبر والثبات للمؤمنين وأن المؤمنين تكون معهم الملائكة والكفار تكون معهم الشياطين. Donc ça c'est le résultat, donc ils ont obtenu ça parce qu'ils ont été endurants et ils sont restés fermes, et que les croyants yani ils ont comme support les anges, tandis que les kuffars ils ont les diables avec eux. Allah al-Musta'an. Ok, donc ça c'est ce qui vient ici expliquer toutes ces questions-là. Donc les gens, il y en a parfois les gens, les koufars, parmi les koufars aujourd'hui, il y en a qui disent ah, mais comment ça le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a agi comme ça avec les juifs. Mais c'est normal, ils sont en temps de guerre et ils trahissent leurs ententes de paix. Donc qu'est-ce qu'on peut espérer d'autre que ça, hein? Parce que il y en a qui font des parallèles ou des comparaisons entre les conflits qui existent aujourd'hui avec les juifs et les conflits de l'époque. Et certains aujourd'hui ils disent non, nous on a des problèmes avec les zionistes seulement, pas avec les juifs, en voulant dire que les juifs, il y a pas de problème avec les juifs par rapport à leur religion, parce que leur religion c'est soi-disant c'est ils l'acceptent. Ils disent, on accepte leur religion, ils ont leur religion. Nous, qu'est-ce qu'on n'aime pas? C'est juste le zioniste, parce que les zionistes, ils ont pris notre terre. Donc, s'ils nous donnent notre terre, on n'a pas de problème avec eux. Pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, il n'avait pas affaire avec des zionistes à cette époque-là. Hein. Est-ce que les juifs de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient zionistes? Non. Hein. Et il a fait des ententes de paix avec eux. Mais quand ils n'ont pas respecté leurs ententes de paix, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a combattus, hein, les a combattus, et par la suite il les a exilés, il a ordonné de les chasser de la péninsule arabe. Donc tout ça c'est pour faire bien comprendre les choses hein, que et pour qu'on comprenne aussi la réalité de ces situations-là. Donc nous on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, comme j'avais expliqué plus tôt que le cours aujourd'hui va être moins long parce que j'ai malheureusement beaucoup d'occupations et des choses à régler. Donc inshallah on va s'arrêter ici. Demain c'est vendredi. D'après le nouveau programme qu'on a fait, le vendredi ça va être un autre cours. Le cours de Al-Furqan, ça va être seulement le mercredi et jeudi. Donc demain, ça va être un autre sujet. On s'arrête donc ici, inshallah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.